Ce vendredi à la vie en BD, un regard sur la programmation 2016 du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, une discussion avec Stéphanie Leduc autour de sa BD érotique Dryade et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. La vie, on Poirier avec vous 18h30. Pour, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour parler bande. Je suis directeur général du Festival de la BD francophone de Québec, Thomas-Louis Côté, qui viendra donc faire un survol de cette programmation, une programmation quand même extrêmement riche. Comme à l'habitude, on parle de 120 auteurs, près d'une quinzaine d'invités internationaux, également beaucoup d'expositions, un volet spectacle qui s'étend du lundi au dimanche avec une foule d'événements. Bref, ça va regorgé d'activités. Alors, on essaiera de faire un premier panorama, une première exploit. Également, Stéphanie Leduc, on l'avait rencontrée aussi pour une série ado-adulte plus d'héroïque fantasy qui s'appelait Terre sans Dieu. Et en parallèle, il y a quelque temps, elle a proposé une série qui s'appelle Dryade. Premier tome qui est sorti il y a 2 ans, le deuxième est en travail actuellement. Donc, une bande dessinée érotique. Alors, on avait envie d'explorer un peu cette thématique-là avec elle, de voir un peu les actes de la série, mais il y en a quand même relativement peu au Québec qui demandent d'aller avec elle, d'ailleurs, dans quelques instants. Alors, c'est le menu pour cette semaine. On pense tout d'abord du côté de l'École multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais. Eh bien, on a remis le prix Marc-Olivier La Vertu, donc édition 2016. Ça, c'est un prix qui est remis par les étudiants et étudiantes au programme, justement, de l'EMI. Ça a été remis à Alexandre Sourire, qui a été publié sur la catégorie plus artiste établi, si on peut dire. C'est Yayo qui l'a emporté avec Pikik, dont le jury a souligné, entre guillemets, la grande sensibilité, son aspect clair, lumineux, presque magique, et noté qu'il est un véritable livre d'art et de fantaisie. Et effectivement, pour l'avoir parcouru, c'est un livre qui est absolument superbe. Si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus, de le voir, c'est vraiment là, un tour de force là, côté visuel. Parallèlement, pour la catégorie relève, eh bien, c'est Valérie Boivin, qu'on avait eu l'occasion d'ailleurs de recevoir l'automne dernier, qui a récolté les lauriers pour Percher sur mes hautes jambes. Le jury a mentionné qu'il s'agit d'un album, entre guillemets, magnifique, joyeux, qui rappellera aux lecteurs de tous les âges qu'il est bon parfois d'être petit. Alors, un livre qui effectivement, visuellement, est très, très plaisant. Des illustrations riches, souples, visuellement très attrayantes. Alors, ben, on fait des prix qui sont parfaitement mérité pour ces deux auteurs. Dans un registre peut-être un peu plus triste, Yuzi, considéré comme l'un des plus grands maîtres du dessin en Chine, est décédé d'une hémorragie gastro-intestinale le 16 mars dernier. Il avait quand même 94 ans, donc une riche carrière, évidemment. C'est ce que rapporte le Shanghai Daily. Alors, petite notice biographique là, pour vous mettre en contexte cet homme. Alors, né en 1922 près de Shanghai, il avait commencé à dessiner des bandes dessinées en 1949. Nombre de ses œuvres étaient politiques. On pense à La Combe ensoleillée de 1979 qui raconte comment une jeune fille frivole désirant être actrice finit par se résigner à devenir paysanne sous la pression du village. En France, les éditions de l'An 2 avaient publié de lui Mes années de jeunesse et sans métier du vieux Shanghai. Et Yuzi a été également professeur à l'Institut central des beaux-arts à Pékin où il a créé le département de bande dessiné, le Yanwan Hua, et également il était directeur du comité BD de l'Association chinoise des artistes. Son travail d'ailleurs a été plusieurs fois exposé du côté du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Alors voilà pour ces survols d'actualité. En musique, cette semaine, la formation qui nous accompagne au fil de l'émission, c'est Anti-Pizza Boy. C'est avec un album qui s'appelle Continue et on écoute immédiatement un premier extrait. Watch out! voilà, toujours à la vie en BD, Raymond Poirier au micro. Et je vous rappelle également que la plupart des émissions sont ou vont être disponibles en balado diffusion sur laviebd.wordpress.com. Je vous rappelle également que j'ai un blog au voir.ca/Raymond-Poirier. Et on plonge donc dans l'univers de Stéphanie Leduc et l'univers plus spécifiquement de sa bande dessinée Dryade. Elle est avec nous pour nous présenter tout ça. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, en fait, on pourrait te resituer en termes de production, parce que j'aimais bien la formule que tu utilises dans tes biographies. Tu dis « J'écris pour toute la famille, mais pas dans un seul livre oui. ». On s'était déjà parlé pour ta BD jeunesse, Titi Crapouti, pour ta BD ado, si on peut dire, Terre sans Dieu. Oui. Et donc, tu as aussi une BD adulte, Dryade, une volonté de variété pleinement assumé? Oui, ben j'ai plusieurs facettes, puis je les exprime dans chacune de mes séries. Puis c'est ça, c'est sûr que Titi Crapouti, c'est le fun, c'est bien sucré. Ben j'ai le goût de faire avec Dryade une BD bien salée. et en termes de continuité, évidemment, Titi Crapouti, ça semble être un peu graphiquement dans un univers à part. Terre sans Dieu, Dryade, en termes de réalisme, c'est un peu dans une certaine continuité en termes de style, de dessin. Oui, c'est plus semi-réaliste, plus disneyen, si je peux dire, mais Dryade est vraiment un dessin plus réaliste. Et qu'est-ce qui t'a amené, si on fait un peu la genèse de ce qui t'a amené vers la bande dessinée, vers la veine érotique, j'ai là quelque part, c'était au fil d'un voyage en Hollande que tu avais eu le déclic autour de ce style-là, de cet univers-là? Oui, ce qui m'inspire beaucoup, mes histoires, c'est les voyages. C'est toujours les voyages. Je m'arrange pour faire au moins un voyage aux 2 ans. Puis dans le cas de Dryade, c'est 3 mois que j'ai passé à La Haye, en Hollande. Et la culture hollandaise m'a vraiment inspirée avec leur sex shop partout. Puis ils sont très exhibitionnistes, tout ça. Puis en plus, dans les magasins de livres usagés, ben il y avait que de la BD érotique en hollandais. Fait que, disons que c'était pas très... très grave si je comprenais pas ce qui était écrit, puis j'ai commencé à étudier le sujet. Et aussi, en me promenant sur la plage là-bas, je suis tombée sur des vieux bunkers allemands, art déco, vraiment beaux, tous différents, et ça m'a aussi donné l'idée des bunkers dans ma BD. Et si on y va avec le courant, justement, BD érotique, qu'est-ce qui t'a donné spécifiquement envie de dire « OK, je me lance un peu », est-ce que tu avais déjà une certaine relation avec l'érotisme que tu avais envie d'exprimer à travers le trait, ou au contraire, est-ce que c'est un exercice que tu avais envie d'essayer? Ça a vraiment été un exercice que j'ai eu envie d'essayer, parce qu'avant ça, je regardais ça discrètement, j'étais assez tardive à ce niveau-là, puis ça a été... vraiment amusant. Moi, je recommande ça à tout le monde de s'essayer. Puis dans le cas de Dryade, ben, j'aime la fantasy aussi beaucoup. Fait que j'ai fait un mix des deux. Oui, parce qu'en même temps, en termes de... côté BD, c'est un style qui est présent. Il y en a toujours eu un peu, mais il n'y en a jamais eu beaucoup non plus. C'est comme un sous-genre, si on peut dire. Et au Québec, il me semble qu'il n'y en a pas eu tant que ça, voire pas du tout. Oui, ça va beaucoup au niveau de la bande dessinée d'auteur un peu autobiographique. Dans mon cas, c'est vraiment de la fiction et je voulais... c'est pas autobiographique du tout. Et je voulais faire un scénario qui se tient, que ce soit pas juste prétexte A, et les scènes érotiques font vraiment partie du récit et font avancer le récit. Mmh. C'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé. En fait, que ça soit d'abord une histoire, dans le fond, puis... Avant tout. Exactement, toujours. Plutôt qu'une... comme dans le côté pornographique, où finalement l'histoire devient plus une excuse pour montrer des choses, ben là, on est plus dans une narration qui nous permet, justement, après ça, d'amener certaines séquences, d'explorer certaines facettes, si on peut dire, de la sensualité. Oui, ben je voulais surtout que le lecteur puisse s'identifier au personnage, qui puisse se dire, ah oui, dans telle circonstance, dans le contexte de l'histoire, je comprends qu'ils réagissent de même ou des trucs comme ça. Je veux que ce soit crédible, qu'on puisse s'identifier au personnage. Et Stéphanie, avant de se lancer un peu sur le contenu même de Dryade, j'aimerais rester un peu dans les préparatifs. Ce que tu disais, tu n'avais pas une grande expérience de la bande dessinée érotique avant de te lancer, avant d'avoir envie de l'essayer. Ouais. Est-ce que tu as fait pas mal de recherches? Est-ce que tu as lu beaucoup pour essayer de trouver quel genre d'érotisme tu voulais partager à travers ton trait? Oui, j'ai vraiment lu plusieurs BD, que ce soit dans le manga, les hentai japonais, ou la BD italienne comme Serpiri avec Druna. Et il y a aussi plein de... Ça va toutes ses minutes. Hein. Il y a vraiment plusieurs styles de BD érotique. Et moi, j'ai un peu fait mon choix là-dedans. Et ça donne Drianne, qui est une bande dessinée bien crunchy, mais quand même avec une certaine sensibilité. Non, c'est à force de lire, finalement, tu trouves un peu la veine dans laquelle tu as envie de t'inscrire. Oui. Et côté Dryade, en fait, peut-être si on décrit un peu l'univers, on est dans un monde post-apocalyptique, dans une science-fiction au départ. Oui, la Lune est détruite et ça libère une forme d'énergie qui s'appelle la luciférine, qui irradie la Terre, puis qui change tout, qui change les gens, mutants, Dryades, qui change le climat. Et c'est un peu la fin du monde, ou un renouveau. Et... En plus, c'est une BD en ce moment qui va être adaptée en film prochainement. Et on va en faire un court-métrage avec le réalisateur Éric Falardeau. Et c'est une BD que j'ai moi-même auto-éditée et qu'on trouve pas nécessairement en librairie, sauf au Renaud-Bré et dans certaines où je peux aller les livrer moi-même. Mais c'est aussi possible de se la procurer sur Comixology en BD web. Et donc, au niveau peut-être, on reviendra tantôt sur le multiplateforme, mais au cœur de ce monde, ben, en fait, peut-être d'emblée, pourquoi avoir choisi un contexte plus post-apocalyptique, plus de science-fiction pour le récit? Ben, c'est un genre que j'aime beaucoup. Si on regarde Terre sans Dieu, c'est aussi post-apocalyptique. J'aime le fait de réinventer un monde à chaque fois, de faire mes propres règles. C'est la liberté, les mondes post-apocalyptiques. Je ferais pas vraiment une BD qui se passe aujourd'hui, maintenant, même si Petit Crapouti est un peu un monde parallèle. J'aime pas dessiner des autos ou des histoires qui se passent dans notre contexte actuel. Oui, en fait, ça force à définir ses propres règles, à s'installer avec le crayon, avec un trait, puis dire, OK, c'est quoi le monde que j'ai envie de visiter, que j'ai envie de faire visiter? Oui. Et parallèlement, en fait, dans ce monde-là, donc tu parlais de mutants, il y a aussi donc ton héroïne qui prend forme, si on peut dire, à travers ça, un personnage qui est une certaine naïveté, si on peut dire. Oui, elle vient de naître. ça prédispose à la naïveté, comme on dit. Oui, ça fait un personnage qui peut beaucoup évoluer. On ne sait pas dans quelle direction elle va s'en aller. C'est un personnage qui vient de naître. Elle commence par réagir à l'environnement qui l'entoure et ensuite elle va commencer à prendre des initiatives. Mais il faut qu'elle commence à découvrir le monde, à le comprendre et ensuite pouvoir prendre ses propres décisions. Et donc encore là, au fil des rencontres, au fil des événements, au fil des éléments, ben c'est son caractère. Exactement, et ça devient donc un côté psychologique, si on peut dire, qui est amené aussi par l'érotisme, par les rencontres, par... Oui. Et c'est ça qui est le fun avec les personnages qui évoluent, c'est que au point A, ils ont le temps de beaucoup changer, de devenir des personnes complètement différentes entre-temps. Fait qu'on n'est pas encore rendu là avec elle, on est juste avec le tome 1, mais j'ai l'intention de la faire évoluer. Et déjà, évidemment, ça implique aussi qu'elle fasse des rencontres qui lui permettent de confronter son caractère, donc de rencontrer des hommes qui sont peut-être un peu plus bestiaux, des hommes qui vont essayer de la protéger, des hommes qui vont essayer de l'envoûter. Oui. Oui, il y a un peu... pour l'instant, il y a juste trois modèles d'hommes, ceux que vous venez de décrire, les mutants, les protecteurs puis les envoûteurs. C'est un peu mes... les trois modèles du tome 1, c'est assez simplifié, faut dire. Là, c'est ce qui est le fun aussi avec le fantasy, c'est soit tout est blanc ou tout est noir, puis on développe tranquillement les zones de gris. Et je garde ça quand même assez simple. Oui, puis en même temps, j'imagine que ces trois faciès-là bien distincts permettent aussi d'aller chercher d'autres dynamiques autant dans les personnalités que dans les corps, si on peut dire. Oui. Dans le cas des mutants, c'est ce qui est le fun. On peut dessiner des bêtes. Ça peut aller un peu dans toutes les directions. Il y a aussi les mandragores, les dryades qui sont un peu des monstres elles aussi. Puis avec les arbres, c'est génial parce qu'il n'y a pas de règles. Ça peut prendre toutes les formes. Moi, j'adore dessiner des arbres. Il n'y a pas de perspective là-dedans. Ça détend. Et fait que c'est ça, ça laisse beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté, autant pour aller vers des côtés plus, plus positifs, plus classiques aussi de la sexualité, ou carrément des côtés plus hard, en gênant pas que de faire vivre des moments plus difficiles aussi aux personnages. Ça, c'est vrai. On peut dépasser les limites humaines. Avec des mutants, puis des monstres, puis tout ça, mais c'est bien connu avec les hentai aussi, puis les tentacules, etc. Mais moi, j'ai pas vraiment été dans cette direction-là non plus. Je veux toujours que ça reste élégant, je veux toujours que ce soit beau à voir, puis côté anatomie aussi, pour les corps, le corps humain. Je vais chercher beaucoup de références, parce que c'est pas évident de dessiner des corps qui s'enlacent. Oui, puis en même temps, j'imagine que le corps qui s'enlace, puis aussi de sentir le charisme de la scène, qu'il y a quelque chose qui se dégage des personnages qu'on propose. Oui. le romantisme, ces émotions-là. Oui, c'est vrai. Il faut pas que ça laisse indifférent non plus. Je veux que la faire ressentir des choses au lecteur. Et faut que ce soit quand même une belle aventure. Et à quel moment, justement, comment on procède un peu au niveau scénario, au niveau mise en scène, justement, pour réussir aussi à choisir quoi montrer, à choisir comment le montrer, pour qu'on sente le mouvement, pour qu'on sente la sensualité, pour que ça passe bien? Je me dis, c'est comme un peu mettre en scène une scène d'action, somme toute. C'est de la mise en scène. C'est de la chorégraphie. Mm-hmm. C'est sûr que c'est pas évident. Comment je fais? Les gros plans aident beaucoup. Les gros plans aident beaucoup. Puis ensuite, toujours montrer un plan d'ensemble pour situer les gens. Toujours bien doser. Je saurais pas trop comment décrire ça. J'exploite beaucoup l'accident, en fait. Puis c'est pour ça que chaque scène est différente, parce que j'expérimente beaucoup. Puis à quel moment on se dit, ben OK, là, la scène, on l'a, ça marche, le montage, ça colle, là, comme on dit. Pardon? À quel moment on se dit, justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a le déclic de dire, ben OK, c'est celle-là, c'est la bonne, j'y suis. Oui. Ben, faut que je suis la première lectrice, je suis la première spectatrice de l'histoire, fait que si je trouve que ça me parle, que ça danse bien, que c'est bien équilibré, ben ça marche, ça passe le test. Pour moi. Et est-ce que tu vas un peu puiser aussi à travers ça dans ton inspiration? Bon, évidemment, on parlait de l'univers, du plaisir de construire des univers, des référents aussi sur ce qui s'est fait, mais est-ce que j'imagine que tu vas chercher aussi dans tes fantasmes à toi? Dans mes fantasmes à moi, peut-être pas vraiment. Disons que c'est plus le contexte de l'histoire qui amène les situations. C'est vraiment l'histoire qui prend le contrôle. Mais si je puisse dans mes propres univers, la luciférine est aussi dans Terre sans Dieu. Oui. À la base, c'est un ingrédient que j'ai récupéré pour Dryade, puis que j'aime beaucoup. J'aime le mot luciférine, parce que c'est à la fois un peu maléfique, mais Lucifer, c'est porteur de lumière, fait que c'est bien en même temps. Fait que c'est ambivalent comme mot, puis c'est pour ça que je l'ai encore récupéré dans le code Dryade. Et c'est vraiment l'histoire qui je commence, j'improvise, puis une idée en amène une autre. Puis dans le fond, tant que c'est justifié dans le contexte de l'histoire, il n'y a pas de notion non plus de censure qui embarque de « OK, j'irai pas dans une séquence qui peut s'apparenter à un certain viol, ou j'irai pas dans une séquence vers d'autres types de thèmes ou autres. » Dans le fond, on se laisse aller parce que, justement, le trait est là au service de l'histoire. Si c'est au service de l'histoire, si vraiment ça apporte au récit, si dans le contexte de l'histoire ça s'y prête bien, tout peut se dire si c'est bien amené. C'est une histoire. Et justement, ça nous ramène, Stéphanie Leduc, un peu vers le multiplateforme. Donc, il y a le désir de faire exprimer cette histoire-là, de faire exprimer cet univers-là dans le cinéma, dans des figurines, donc de le faire sortir des planches le plus possible. Oui. Est-ce que c'était dès le départ un peu le projet, l'idée derrière Dryade? Oui, parce que j'ai la propriété intellectuelle du livre. Je suis la productrice un peu de cette série-là. Et s'il y a des gens qui veulent embarquer avec moi dans l'aventure, comme Vicky Laflamme qui a fait la figurine, comme Éric Falardeau qui va faire avec moi le court-métrage. Aussi, il y a des bijoux de Dryade faits par Mireille Chartier. Fait que je développe un peu des produits dérivés autour de ça. Mm-hmm. Comme un laboratoire, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'objectif précis, c'est plus des occasions qui se présentent puis que je développe, puis on va voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Dans le cas du court-métrage, ce sera 16 ans et plus, ce sera pas 18 ans et plus. Mm-hmm. Et ce sera pas avec les personnages principaux, parce que c'est un laboratoire, les personnages principaux, on garde ça pour un autre projet. Mm-hmm. Fait que ce sera un peu un spin-off, comme on dit. Et il y aura le moins d'effets spéciaux numériques possible. Ce sera surtout des effets spéciaux pratiques avec des marionnettes, avec ce sont des effets spéciaux practical en anglais. et de ton côté, tu travailles sur le tome 2, j'imagine? Pour l'instant, je travaille surtout sur le film et sur le tome 3 de Titi Krapouti, parce que je me suis déjà engagée pour ça. Le tome 3 est bien avancé, il va être fini d'ici 6 mois, 1 an. Et après, je me mets à temps plein dans le tome 2. Alors, on continuera de suivre tes différents volets, les différentes identités graphiques de Stéphanie Leduc. Alors, Dryade, évidemment, tu disais, on trouve chez Comixologie, chez certains libraires. Enfin, on peut aller sur ton site, stéphanieleduc.com, pour avoir l'information sur la série là-dessus. Oui. Mais Stéphanie, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, on jase avec Stéphanie Leduc, je le rappelle, autour de sa série Dryade. Et on aura l'occasion peut-être également de rééchanger avec elle autour de l'univers de Titi Krapouti au fil de l'année à venir. Des éléments qui m'ont échappé dans les derniers mois dont je voulais vous parler, et notamment fait en lien avec le festival d'Angoulême de février dernier, il y avait eu aussi les états généraux de la BD. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion vous-même de les lire, d'ailleurs j'ai relayé sur mon blog viavoir.ca, mais ce qu'on dit en fait cette enquête-là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec 1500 réponses qui ont été obtenues, les résultats donc de l'enquête risquent d'être assez représentatifs d'état de situation, évidemment tout particulièrement du côté européen. Du côté des états généraux, on résume la situation en 10 points que je vous lance presque intégralement. Là, on parle d'une féminisation accrue de la profession. En fait, 27% des femmes qui ont répondu à l'enquête. Une proportion qui est d'ailleurs plus élevée que le chiffre de 12,4% qui est habituellement évoqué. Alors peut-être que ça changera cette donnée. On parle d'une profession aussi, la bande dessinée, qui est jeune, avec 56% des auteurs interrogés qui ont moins de 40 ans. Du côté des femmes, la moyenne d'âge, elle est de 34 ans, alors qu'elle est de 41 ans chez les hommes. Alors on estime, du côté des états généraux, que la profession serait donc appelé à se féminiser de plus en plus. On parle également d'un métier qui est précaire, alors que les auteurs interrogés se définissent à 15% comme des amateurs, à 53% comme des professionnels précaires et à 32% comme des professionnels installés. Un niveau de formation qui est important également pour ces métiers précaires-là, dans la mesure où il y a 79% des répondants qui ont fait leurs études supérieures, la très grande majorité dans le domaine artistique. On parle également d'un travail qui est astreignant, donc celui d'auteur BD, pour un travail qui est facile, évidemment, on se l'imagine bien en voyant la résultante de tout ça. Et en fait, c'est 36% des travailleurs qui disent, regardez, moi je travaille plus de 40 heures semaine, et 80% qui disent que le travail empiète au moins 2 week-ends par mois. On parle de ressources également diversifiées au niveau financier, dans la mesure où, pour la vaste majorité des auteurs, il y a nécessité d'avoir un emploi parallèle à celui d'auteur BD. C'est 71% des répondants qui ont identifié cet état des lieux, cette situation. Et évidemment, on parle généralement d'un emploi dans un autre domaine artistique ou encore dans l'enseignement. On parle également d'une protection sociale qui est faible, alors que 88% des professionnels interrogés dans les états généraux de la BD n'ont jamais bénéficié d'un congé maladie. 81% n'ont jamais bénéficié d'un congé maternité ou paternité. Également, des revenus qui sont relativement médiocres. En 2014, côté français du moins, 53% des répondants avaient obtenu un revenu inférieur au salaire minimum brut. 36% seraient en dessous du seuil de la pauvreté. Du côté des femmes, on parle de 67% qui ont un revenu intérieur au salaire minimum et 50% qui sont sous le seuil de la pauvreté. Et évidemment, tout ça dans un contexte où on perçoit l'avenir de manière très incertaine. 66%, c'est quand même pas rien, des auteurs interrogés qui pensent que leur situation, ben, elle va se dégrader au fil des prochaines années. Donc, on n'envisage pas l'avenir, l'évolution du marché de la BD de manière très positive. Et enfin, chose qui est peut-être un peu plus positive, de manière générale, les auteurs semblent avoir des bonnes relations avec leurs éditeurs. Il y a 68% des auteurs qui estiment avoir de bonnes ou de très bonnes relations, 27% des relations moyennes et 5% seulement des relations mauvaises ou très mauvaise. Alors, donc un survol quand même assez précis. D'ailleurs, il y a beaucoup de tableaux, de graphiques, d'éléments visuels pour bien saisir la nature de la bête là, dans l'enquête. Si jamais vous voulez l'avoir intégralement, vous pouvez aussi aller directement là, sur etatsgeneraubd.org. L'ensemble de ces éléments, de ces informations, y sont relayés. Alors voilà, pour ces clins d'œil, on repart en musique, donc toujours avec la formation Anti-Pizza Boy, et on écoute un autre extrait qui s'appelle « Phoenix ». Toujours à l'écoute de La Vie en BD, 17h30 à 18h30 sur les ondes du 89.1. Tous les vendredis, on vous parle 9e art. Raymond Poirier au micro. Avec vous encore pour une belle demi-heure. Et également, je vous invite à nous suivre sur Facebook si ce n'est déjà fait. Donc, facebook.com/ La Vie en BD. On l'anime de manière proactive et doublement puisque il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent, qui se préparent sur la planète BD, dans la capitale notamment, avec le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, 29e édition, qui va avoir lieu du 13 au 17 avril avec des extensions avant et après, comme c'en est l'habitude. Et on avait envie, suite au lancement de la programmation un peu plus tôt cette semaine, ben, de la décortiquer en compagnie du directeur général de l'événement, Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Alors Thomas-Louis, ben d'emblée, il y a toujours un chiffre qui est standard. On parle côté présence d'auteurs, on est toujours autour de 120. Oui, c'est stabilisé depuis quelques années autour de ce nombre-là. Donc, des auteurs professionnels, semi-professionnels, donc qui seront présents. Puis on a en plus de ça, ben, des auteurs de l'espace auto-édition là, qui sont pas nommés dans ce chiffre-là. Donc, ça fait beaucoup de monde. Ça fait pas mal de monde. Et avec la volonté, justement, de comme tu dis, d'aller chercher une variété d'auteurs, donc de différents médiums. Donc, avoir toujours une belle place à la relève, autant qu'à des auteurs établis, des noms peut-être un peu plus connus aussi. Exactement. Donc, le festival se veut, dans le fond, un lieu de rassemblement, donc un lieu de rencontre. Et je pense qu'on s'est donné le mandat depuis quelques années de donner une place à tout le monde. Donc, ça va de la bande dessinée qui est peut-être plus populaire, si on veut, à des choses qui sont plus alternatives. Mais l'idée, c'est que d'inviter les gens à participer, les auteurs à participer. Donc, nous, ça nous permet, c'est ça, d'accueillir année après année pas mal de monde. Et peut-être, en fait, commençons aussi avec les auteurs internationaux, quand même pas mal de noms, notamment, en fait, on pourrait dire un très beau coup, une très belle visite, Ruben Pelengero. Oui, mais Ruben Pelengero, qui est un auteur espagnol qu'on connaît maintenant peut-être plus parce qu'il a repris la série Corto Maltese, mais c'est quelqu'un qui avait quand même une œuvre assez consistante avant, puis des choses très intéressantes. Donc, je ne sais pas si tu avais eu la chance de lire quelques-uns de ses albums chez Air Libre et ailleurs, mais les gens qui le connaissaient à l'époque sont très heureux de voir que maintenant, il remporte un bon succès là, avec Corto Maltese. Oui, en fait, c'est le genre de situation où il se retrouve avec un mandat extrêmement prestigieux, quand même, reprendre la série du Gros Pratt, c'est pas rien, et que ça peut amener des lecteurs à découvrir ce qu'il faisait avant, finalement, à découvrir son bagage à lui, au-delà de Corto Maltese. Oui, effectivement, effectivement. Puis, il a fait des belles choses comme Tour de Valse et autres. Donc, je vous invite à fouiller un petit peu pour mieux le connaître, si vous avez aimé le Corto Maltese qu'ils viennent de faire. Il y a toujours aussi, on parlait d'Espagne avec Pelengero, côté de la Belgique, il y a Hilaire qui vient faire un tour. Ben, il y a Bernard Hisler qui vient effectivement dans le cadre d'une délégation belge, parce que la Belgique sera cette année, mais plutôt la Wallonie-Bruxelles, précisons, sera à l'honneur au Salon du Livre de Québec. Donc, il y a une bonne présence d'auteurs wallons, et parmi ceux aussi, il y a quelques auteurs de bande dessinée, donc il y a Max de Radigues, Bernard Hisler et Edgar Cosma qui sera là aussi, qui est scénariste. Donc ils se joignent au festival pour rencontrer les lecteurs, mais aussi au niveau des animations. Donc c'est le festival qui s'occupe de leur venue là. Oui, en fait, puis ça devient intéressant encore là pour la variété de reste. Puis Hilaire est quand même une production qui est assez variée aussi. Là, je veux dire, il est quand même assez actif. Là. Oui, ben moi je l'ai découvert dans Spirou sous Hisler, Hisler, pour Bidouille et Violette. Donc de le reconnaître après pour Sambre, qui est une série adulte qui était sublime. Donc là, c'est ça, pour moi c'est un plaisir de le recevoir. C'est un auteur que je lis vraiment depuis que je suis tout petit. Oui, puis en même temps, il y a une habitude, j'ai l'impression, d'avoir des gens de Belgique, de la région bruxelloise à tout le moins au festival. Un peu comme aussi, j'ai l'impression, la région lyonnaise où les relations entre le Festival de Québec et le Festival de Lyon, Lyon BD, semblent être... Ils solidifient d'année en année. Dans le fond, Québec collabore avec Lyon BD depuis 2011, où on a eu une première délégation. Puis il y a eu différents projets qui sont nés de ça par la suite, notamment des spectacles qui ont été présentés au Musée de la Civilisation, au Petit Champlain l'an dernier, que nous, on a eu le plaisir d'aller faire à Lyon. Donc cette année, on poursuit dans cette même voie-là où on va lancer le projet Correspondance, qui est un échange graphique entre des auteurs québécois et lyonnais. Donc, de là la venue de Chloé Cruchaudet, de Loupi, Marie-Avril, donc qui viennent ici rencontrer des auteurs québécois, donc Jimmy Beaulieu, Julie Rochelot, Paul Bordelot, JF, qui font partie du projet. Et ensemble, ils vont partir sur une aventure d'échange graphique qui va éventuellement mener à une publication, donc qui devrait être lancée à l'automne prochain. Quand tu parles d'échange graphique, de quoi parles-tu? Dans la même ordre d'idée, un peu que les correspondances qu'on avait enfin, c'est-à-dire cartes, et de se faire découvrir, de découvrir un coin de pays, de découvrir différentes choses. Donc, on a un mandat qui est assez flou pour le moment, mais qui va se préciser à Québec, parce que ce sera la première rencontre de ces gens-là, mais de partir des échanges en duo pour créer une vraie correspondance graphique où les gens vont se faire découvrir soit, comme je dis, un coin de pays ou des anecdotes ou des choses comme ça, pour créer un tout qui, on l'espère, soit cohérent à la fin. Donc on va voir comment on peut travailler tout ça pour en faire un album qui est intéressant. Donc chaque auteur est un peu disponible, responsable de son double, ils vont se nouer une relation à travers des bulles, finalement. Là, le premier exercice qu'ils ont, par exemple, c'est de faire une planche pour se présenter eux-mêmes. Donc avant même leur venue à Québec, ils vont avoir chacun échangé des planches, une planche pour se présenter, et de ça va naître les thèmes de la suite de leur échange. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur correspondance, puisqu'on est là-dessus, il y aura une présentation publique dans le cadre du festival. Oui, donc le samedi 15 avril, le 16 avril, à la Maison de la littérature, donc à 15h30, donc ça suit tout juste la présentation de Michel Rabagliati, qui a lieu à la Maison de la littérature également, là. Ok. Et l'idée, c'est évidemment de d'amorcer le dialogue, le de présenter le projet. Oui. Et ce sera avec du dessin en direct et tout. Donc, vraiment, le public va pouvoir assister aux échanges graphiques des auteurs, là. Alors c'est un peu pour le volet international, on parle de quoi, 12-15 auteurs? Une douzaine d'auteurs, oui. Donc ça va aussi de scénaristes comme Alcante, qui vient en résidence à Québec pour 2 mois à partir d'avril, donc ça tu auras sûrement l'occasion de le rencontrer à un autre moment. Isabelle Merlet, qui sera là aussi en résidence à Québec à l'Institut canadien, qui est coloriste de bande dessinée. Donc c'est un des angles aussi au niveau des invités qu'on a internationaux, le plaisir d'avoir quand même quelques scénaristes, ce qui est plutôt rare au niveau des invités de festival, et ça va être l'occasion de faire des échanges justement avec d'autres scénaristes québécois pour discuter du métier de scénariste. Et même chose avec le métier de coloriste. Effectivement, donc on a une table ronde qui va réunir François Lapierre, Isabelle Merlet et André Gagnon, qui tous trois font de la couleur pour d'autres albums. Donc de discuter de l'importance du métier de coloriste et de l'apport des coloristes aux albums, parce que quand même plusieurs maintenant sont même cités en couverture. Mais dans le cas de François Lapierre, c'est carrément le cas, bon, sur Le Grand Mort, sur Magasin Général, et je pense sur ses collaborations avec Alex Alice aussi. Oui, c'est possible. Donc, non, vraiment, effectivement, puis dans un contexte aussi où au niveau du statut du métier de coloriste, il y a encore un très, très gros flou, parce que pour l'instant, c'est à la discrétion des auteurs de créditer ou non, justement, le coloriste. Oui, mais ça dépend. Il y a des coloristes qui ont quand même une renommée, oui. qui François Lapierre, par exemple, a un côté visuel qui est très reconnaissable. Donc, je crois que maintenant, il est assez recherché pour ça. Isabelle Merlet avait fait la même chose avec Blotch et d'autres. Brigitte Findicali, la copine de Louis Trondheim, même chose. Donc, il y a pour certains coloristes qui arrivent à un niveau sont cités, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, et c'est un métier qui depuis toujours est un métier de l'ombre, si on veut. Oui, et c'est intéressant, en fait, justement, d'essayer de commencer à donner accès un peu à ces informations-là, à ces auteurs-là, au-delà justement du métier de dessinateur qu'on connaît quand même relativement bien, mais voilà, ok, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi la part du scénarisme? Bon, évidemment, il fait l'histoire, mais comment ça se fait un scénario de BD? C'est pas nécessairement évident non plus, c'est quand même une job particulière. Ouais. Coloriste, évidemment, comment on cadre un peu. Donc, l'idée des métiers de la BD devient quand même assez stimulante, j'imagine. Oui, puis c'est un sujet qu'on va pouvoir réaborder d'année en année avec des nouveaux intervenants qui vont apporter de nouveaux éléments et qui vont peut-être donner le goût à des gens de tenter l'aventure, parce que souvent, les gens ont un peu peur de faire de la bande dessinée en se disant « je dessine pas bien ». Mais le dessin n'est pas l'unique élément de la bande dessinée. Le scénario en est un élément vraiment important. La colorisation aussi. Donc, je pense que ça peut créer des envies chez certaines personnes de se lancer, mais pas nécessairement au sens classique de se lancer en bande dessinée en dessinant puis en faisant des planches. Là. Et en fait, je fais une petite parenthèse qu'on lance aussi au fil de la discussion des événements, des moments. Si les gens veulent les replacer, c'est évidemment fbdfq.com. Oui. Et comme à l'habitude, parce qu'en même temps, on lance des moments, on lance des lieux, il y a un foisonnement d'activités, il y a 120 auteurs, j'ai l'impression, même j'ai pas compté, mais mêlé, j'ai l'impression qu'il y a pratiquement 120 activités. Là. On a plus que 120 activités. Activités. Si on calcule des rencontres, total, on a près de 100 activités seulement au Salon du Livre, si on calcule toutes les tables rondes et animations. Donc, en plus de ça, il y a les spectacles, les lancements, les rencontres qui ont lieu à l'extérieur du Salon du Livre, les expositions. On a une douzaine d'expositions, donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc, il y aura des choix à faire durant la semaine du festival. Et c'est un peu pour ça que cette année... On fait le choix de dormir ou non. De dormir ou non. Ou de faire deux lieux, de voir des choses à moitié. Mais cette année, on a le plaisir quand même de débuter plus tôt au niveau de la programmation. Donc, avec Planche d'histoire au Musée de la civilisation. Donc, une initiative de Parenthèse 9 présentée par le Musée de la civilisation. C'est une conférence historique sur l'histoire des brasseurs à Québec. Donc, qui parle brasseur, parle bière. Donc, on a décidé d'en faire aussi un événement avant, une dégustation de produits du terroir et de bière en collaboration avec Ça goûte bon, donc une émission de télé de Québec qui est aussi déclinée sur un site web. Oui, donc l'idée, en fait, c'est de profiter des événements pour faire des rencontres entre milieux, pour éviter, dans le fond, que la BD reste avec la BD, mais au contraire, de dire, OK, on parle de bière, mais on peut s'associer avec les foodies, on peut s'associer oui. avec... Puis je pense que c'est une tangente que le festival a pris depuis quelques années, avec une programmation de spectacles multidisciplinaires, en partenariat avec Parenthèse 9, notamment, mais d'essayer d'aller rejoindre différents publics. Parce que la bande dessinée, en termes de festival, c'est certain que la portion signée signature, rencontre, à la limite même certains éléments de dessin direct. C'est assez classique au niveau des animations. Donc, comment transcender ça? C'est vraiment d'aller vers d'autres concepts. Et je pense qu'on a réussi à le faire dans notre programmation en accueillant des spectacles et des rencontres qui sortent de l'ordinaire, qui amènent des publics complètement différents à se rencontrer. Si je pense, cette année, on a, par exemple, le fabuleux Cabaret Imparfait, donc un spectacle qui mélange cirque et bande dessinée. Il y a aussi la soirée de swing et BD qui en est à sa troisième année parce que ça remporte un grand succès à chaque année. Donc, ce genre de choses-là amène un public qui viendra pas nécessairement au Salon du Livre. Et je pense que notre objectif dans ce genre de proposition-là, puis en multipliant les lieux comme on le fait aussi, c'est de rejoindre un public vraiment plus large qu'on pourrait le faire en se concentrant dans un simple lieu. Là. Et puis, j'imagine aussi, il y a une volonté de faire parler du festival autrement que pour la portion Salon du Livre, puis de dire, ben, à la limite, rendu où on en est, si on enlevait même juste toute la portion des 100 activités au Salon, il resterait un festival quand même. Oui, donc, c'est pratiquement d'un deux en un. Qui est vraiment intéressant. Il faut dire que le Salon du Livre, c'est uniquement 5 jours, qui est quand même le cœur des activités du festival du 13 au 17 avril. Mais on a des expositions qui débutent dès le 27 mars jusqu'au 3 mai, je crois. Donc, de la bande dessinée, il y en aura quand même beaucoup tout au long du mois d'avril. Donc, pour nous, je pense que c'est important justement de se développer à l'extérieur du Salon du Livre pour se créer une identité plus forte de un, mais aussi pour se donner la chance de déborder du simple cadre des 5 jours de l'événement. C'est sûr qu'au niveau des invités internationaux, puis la plupart des invités montréalais, ça se concentre vraiment dans les 3-4, mettons, du jeudi au samedi. Cela dit, il y a un milieu qui est quand même très actif à Québec en bande dessinée. Autant en profiter puis leur donner la chance de se faire voir à d'autres moments que durant 5 jours où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'activités, donc ils peuvent être éclipsés un peu. Et d'ailleurs, en fait, tu mentionnes, Thomas-Louis Côté, les expositions, il y en a quand même presque une dizaine cette année, et il y a un parti pris qui a été fait d'y aller beaucoup plus dans les lieux de fréquentation, dans les lieux publics. Dans le fond, dire, on va tomber par hasard dans un café ou en marchant sur la rue ou sur des vitrines ou autre, on va tomber sur la BD sans nécessairement s'y attendre. Si on fait pas le choix conscient d'y aller prendre un café et voir l'expo en même temps. Oui, mais le festival a quand même investi beaucoup les bars et les cafés au fil des ans. Cette année, c'est peut-être un peu particulier parce qu'on en a plus. On est peut-être moins dans les bibliothèques cette année parce qu'il y avait peut-être moins de disponibilité d'espace, mais reste que on a voulu créer des nouveaux partenariats, aller dans différents quartiers aussi. Donc, on sera à la Brûlerie Saint-Roch, à la Corrigane pour Saint-Roch. On sera aussi dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste beaucoup. Donc, on essaie de se répandre un peu partout pour créer des pôles d'activité qui vont justement rejoindre des gens qui vont peut-être se concentrer justement dans ce secteur-là. Si on parle dans Saint-Roch, il y a 2 expositions et il y a des activités au Cercle durant le week-end. Donc, uniquement ces propositions-là peuvent satisfaire des gens, absolument. Et d'ailleurs, on peut faire mention, une parenthèse, sur les 2 propositions qui sont au Cercle. Vous étiez allé à fond sur le volet familial, oui. Dans le fond, sur les 10 ans et moins, là, si on peut dire. Au Cercle, donc, on propose le samedi un brunch dessiné avec Marie-Lamonde Simard, donc un classique du festival, c'est-à-dire que les jeunes sont invités à venir dessiner avec un auteur de bande dessinée. On va faire un projet avec eux et tout, ça va être assez intéressant. Ça, c'est de 11h à 12h30 le samedi. Et sinon, le dimanche, on se lance dans un nouveau concept, donc la Boom BD. On a invité Sam Murdoch et Johnny Rottweiler de Orokmoto Diamond à se joindre à Pierre Bouchard pour offrir une activité aux jeunes. Donc, effectivement, 8-12 ans, si on veut, peut-être même plus jeunes. Ça va être une occasion de dessiner, de bricoler, de danser, d'écouter de la musique, de s'amuser et de le faire dans l'idée de créer un projet dessiné, de bande dessinée. Donc, il y aura vraiment un ordre d'activité qui va faire qu'à la fin, les jeunes vont pouvoir partir avec quelque chose à eux. Mais pratiquement leur petit fanzine. Leur petit fanzine à eux, mais de l'avoir fait dans un contexte absolument sauté et avec des musiciens qui ont jamais joué, je crois, pour des enfants. Donc, ça va être très drôle, je pense, comme concept. Et encore là, les 2 propositions au Cercle sont gratuites. Donc, la Boom BD, c'est contribution volontaire. Mais on invite vraiment les familles à venir essayer ça. Ça va être une autre façon peut-être de présenter la musique ou les concerts ou la bande dessinée aux jeunes. Oui, en fait, je pense dans la programmation même du festival, il y a juste 3 soirs qui sont payants. En fait, il y a Plongée Soir dont tu parlais tantôt, mm-hmm. avec le 5 à 7, ça goûte bon. Vous êtes à la Maison de la littérature, en fait, pour une activité présentée par la Maison et Parenthèse 9, l'Orchestre des dessinateurs, dans la série Lab Dessinée, qui, elle aussi, est une soirée payante, ouais. le mercredi. Ouais. Et le dimanche, une collaboration avec l'Harmonie de Charlebourg. Oui, donc l'Harmonie de Charlebourg présente le fabuleuse aventure du Baron de Munchausen, un concert dessiné donc par Valmont et Catherine Lemieux, 50 musiciens sur scène au Grand Théâtre de Québec dans la grande salle Octave Crémazie. Donc encore là, un lieu que le festival n'a jamais investi, c'est une première pour nous, et de le faire avec un orchestre de 50 musiciens et du dessin en direct sur des écrans, sur un écran absolument gigantesque, un écran de cinéma, j'ai beaucoup hâte de voir ce que ça va offrir. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas tant de festivals qui ont fait un concert dessiné avec 50 musiciens. Pas tant que ça, et probablement pas dans une salle aussi grande non plus, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va offrir, puis peut-être que ça va être une nouvelle tradition à développer, parce que la musique d'harmonie, comme l'Harmonie de Charlebourg propose, c'est quelque chose qui peut être fabuleux de le mettre avec du dessin. Ça peut être un mariage qu'il va falloir refaire. Oui, puis quand on regarde en fait leur sélection de pièces, et on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler avec eux, mais ça groove, ça bouge, c'est des beaux morceaux musicaux qu'ils vont proposer, les aventures du Baron de Munchausen, mais aussi en fait j'ai vu Spring et d'autres pièces comme ça, ça résonne bien. Donc je suis curieux de voir vraiment aussi qu'est-ce que ça va donner. Et d'ailleurs en fait, tu te promènes comme ça, j'ai l'impression à chaque année, il y a comme des nouveaux lieux, il y a des lieux récurrents, le Musée de la Civilisation qui reste un partenaire régulier. Donc le festival y est le jeudi, vendredi, samedi, donc quand même 3 soirs, et lundi, 4 soirs au musée, avec l'impro BD le samedi aussi, oui. Nouvelle formule, mais on renouvelle un peu le contexte, oui, de proposition. C'est un peu dans l'idée de, comme la soirée Swing et BD du vendredi, je veux dire, on a retravaillé le concept pour en faire une troisième édition qui se distingue des deux autres. Pour la Liqui BD, le samedi soir, on a aussi travaillé sur un combat de trio, donc quelque chose qui est différent. C'est une soirée qui va peut-être être plus rythmée, des matchs plus courts, mais il y en aura plus. Il y a 8 équipes, donc 8 trios qui seront là. Ça va être vraiment endiablé pendant 3 heures de dessin, d'improvisation. 7 mini-matchs, quand même. Oui, quand même. et parallèlement, autre lieu qui était présent, je parle de manière récurrente, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années, vous avez trouvé un peu la collaboration qui cliquait, c'est avec le Musée national des beaux-arts du Québec. Là. Oui, donc le dimanche, pour une troisième année, on invite des dessinateurs à venir faire des œuvres dans les salles d'exposition en lien avec les œuvres sur les murs. Donc, ça s'appelle Rencontre en bande dessinée. Le dimanche matin, dès 10h30 et en après-midi, dès 13h30, pour une période d'une heure et demie environ. Donc, on va pouvoir voir certains des auteurs du festival, des auteurs internationaux, des auteurs québécois, venir faire une œuvre en direct dans la salle. Donc, on installe les auteurs en duo dans différentes salles. Et en plus de discuter entre eux, ils peuvent discuter avec le public puis montrer un peu leur technique. Et le résultat de cette rencontre-là sera présenté en exposition dès le 19, donc à la réouverture du musée le mardi, jusqu'au 1er mai. Donc, ça sera une autre occasion de venir voir les œuvres qui ont été créées sur place. Et on parlait de dialogue en discipline au début à travers le volet spectacle, mais ça, c'en est un autre dialogue aussi, à mon sens. Mais avec les quand je dis que le festival est un lieu de rencontre, il l'est autant entre les gens qu'entre les disciplines et entre les organismes aussi, parce qu'on essaie de travailler avec plusieurs personnes à différents moments durant la programmation. Et je pense que c'est peut-être la ligne directrice qu'on s'est donnée depuis plusieurs années, c'est la rencontre. Essayer d'initier des moments de rencontre. Et en même temps, on sent aussi, et je le sens pour m'impliquer également sur le festival, je veux pas, si on aime la BD, on est un peu dans les environs du festival. À Québec, on a un peu pas le choix, c'est tellement fort comme événement. Et à travers ça, il y a aussi, j'ai l'impression, une volonté d'aller profiter des initiatives qui sont déjà en place. Je prends l'exemple, en fait, vous avez le mardi soir un drink and draw au Maelstrom. C'est une initiative qui existait déjà, mais dire, OK, le milieu, vous organisez quelque chose, voulez-vous le faire avec nous dans Exactement. Le contexte de l'événement? Exactement. Puis le festival a eu cette résultante-là aussi que des projets sont nés en se disant, bon, on va pouvoir le présenter durant le festival. Donc, par exemple, l'Harmonie de Charlebourg est une initiative qui est venue, qui s'est greffée et qui est devenue l'événement de clôture cette année du festival. Les projets avec Parenthèse 9, des choses avec le musée, planches d'histoire et tout, c'est de trouver le moment pour concentrer les activités BD pour faire du festival quelque chose de plus gros, de plus fort. Puis je pense que c'est un peu la force de l'événement, c'est d'avoir su rassembler quand même beaucoup d'intervenants pour qui ont voulu mettre l'épaule à la roue là, pour faire bouger l'événement puis en faire ce qu'il est aujourd'hui. Là. Et on parlait de collaboration aussi, évidemment, il y a avec des lieux, il y a avec des commerces, avec le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, évidemment, aussi, qui est renouvelé. On peut le mentionner, il va y avoir encore du dessin sur les vitrines. Oui, donc cette année, c'est Valmo et Bac qui vont faire un bestiaire imaginaire sur les vitrines des commerces du Faubourg. Donc, une trentaine de commerces qui ont prêté leur vitrine pour ces dessins-là. Donc, c'est bestiaire à l'heure du thé. Donc, une ménagerie un peu inspirée d'Alice au Pays des Merveilles. Nous verrons bien ce que ça va pouvoir apporter, mais c'est vraiment, ça va être de beaux personnages à découvrir dans les vitrines. Et parallèlement, l'an dernier, tu avais mis des planches de Louis Trondheim tirées de sa résidence à Québec sur la clôture du cimetière Saint-Mathieu. Oui. Cette année, cette vitrine-là est offerte à un projet qui devient d'un collectif de la relève. Oui, donc c'est Histoire de famille qui est une suite, dans le fond, de l'exposition de l'an dernier, Histoire de quartier. Une exposition qui regroupe 13 auteurs de la relève de Québec qui vont présenter chacun deux planches, une histoire qui est pour thème la famille. Donc, ça va aller dans plein de directions, plein de styles, plein de propos, mais ça va faire quelque chose qui est assez intéressant et qui va présenter la relève en création de bande dessinée à Québec. Parce que, veux pas, c'est important de mettre la relève de l'avant maintenant, parce que c'est les gens que, dans quelques années, on va être heureux d'avoir aidé à ce moment-ci de leur carrière. Et parallèlement, en collaboration avec le Faubourg Saint-Jean, donc, est renouvelée. Mm-hmm. Collaboration aussi avec milieu du film, en fait, Turbo Kid, sur les traces d'Arthur. Oui. Donc, le jeudi soir, on propose le film Turbo Kid chez Frima Studio. Donc, une soirée geek par excellence avec l'enregistrement direct des Merveilleux Étonnants. Mystérieux Étonnant, excusez-moi. Et donc ça, encore là, une soirée gratuite dès 19h chez Frima. Le samedi, on est au Musée de la Civilisation pour commencer avec Sur les traces d'Arthur, donc un documentaire qui en est à sa première présentation à Québec sur André Monpetit, donc dit Arthur, qui est un des personnages centrales du collectif Chien Dent, qui a bousculé la bande dessinée à la fin des années 60 pour amener un peu ce qu'on a appelé le printemps de la bande dessinée, qui est un renouveau de la bande dessinée au Québec au début des années 70. Donc, et en complément de ça, on invite les gens à se déplacer à la Ninkasi pour le lancement du nouveau livre de Sylvain Lemay, donc du Chien Dent dans le printemps, qui porte justement sur Chien Dent et le printemps du Québec. Donc une belle rencontre qui va être animée par Michel Giguère et où l'éditeur, donc Jean-Dominique Leduc de Mémoire Neuf, sera également présent pour parler de cette époque-là. Et c'est l'un des 7, 5 à 7 du festival. Bien, c'est aussi, on a toujours une belle occasion de prendre un verre, discuter et s'amuser, donc autant le faire autant qu'on peut. Donc, il y en a presque tous les soirs pour être certain que... Bien, il y en a tous les soirs. Il y en a littéralement tous les soirs. En fait, est-ce que tu as l'impression qu'on arrive avec cette année avec comme une ampleur où on se dit, bien, OK, on pourra pas nécessairement faire plus gros là, en termes de nombre d'activités avec la quantité d'événements et le reste ou... Je te mentirais si je te dirais oui, parce que l'an prochain, c'est le 30e, donc... Il va falloir faire plus gros. L'ampleur prendra se propagera peut-être sur plusieurs autres jours durant le mois d'avril l'an prochain, mais c'est certain qu'à chaque année, on essaie d'ajouter quelques briques, et ce sera le cas l'an prochain aussi, non? Et cette année, Thomas-Louis Côté, le festival a choisi aussi de mettre de l'avant, en fait, c'est d'ailleurs un peu le premier élément qui a été dévoilé de la programmation, 4 invités, Ruben Pelengero, Chloé Cruchaudet, Bach, Alex A, en disant, mais c'est un peu des invités qui vont être plus particulièrement mis de l'avant dans la programmation du festival. Oui, ben c'est on a décidé de sélectionner 4 invités qui représentent un petit peu la variété qu'on peut avoir au festival. Donc, Alex A, qui est l'auteur de notre affiche, mais qui est une vedette de la bande dessinée jeunesse au Québec. Bach, qui est une auteure de Québec qui est en train de se créer un une belle carrière dans le fond en bande dessinée, parce qu'en quelques années, en deux tomes de C'est pas facile d'être une fille, elle a quand même gagné une certaine renommée qui est très intéressante. Puis sinon, ben Chloé Cruchaudet et Ruben Pellegero, qui sont un peu nos têtes d'affiche, si on veut, du festival au niveau étranger. Donc l'idée était de sélectionner ça pour un peu aiguiller des gens sur certaines rencontres s'ils désiraient ne connaître que quelques auteurs. Donc durant le festival, au Salon du Livre, c'est des auteurs que les gens vont pouvoir rencontrer lors de rencontres d'auteurs qui resteront peut-être un peu plus particulières. Et avec des expositions, avec des éléments... Oui. Des implications dans toutes les activités. Des gens comme Ruben Pellegero et Chloé Cruchaudet, vous pourrez les voir dessiner au Musée des Beaux-Arts le dimanche. Bach est impliqué dans les vitrines, dans les spectacles. Alexa va être quand même bien présent au Salon du Livre, oui, pour rencontrer les gens. Il y a une exposition à Gabriel Leroy aussi. Une exposition également à Gabriel Leroy. Donc, on essaie de donner une bonne visibilité. Alors, en fait, ça va être un bon marathon, évidemment, tant pour le festivalier que pour l'organisateur, si on peut absolument dire. Et je rappelle que c'est, donc on pourrait dire à la limite du 11 au 17, là, si on part avec la vraie date de départ événementielle, mais oui, les événements eux-mêmes, les expos vont commencer à partir du 29 mars. Ouais. Donc avril est un mois de bande dessinée à Québec. Le mois de la BD. Ouais. Après le mois de la poésie. Voilà. Alors, ça reste thématique. Et, donc, on lance évidemment les gens, l'invitation aux gens. Donc, c'est sur fbdfq.com pour voir le détail de la programmation. Thomas-Louis Côté, directeur général, merci. Merci à toi. Et d'ailleurs, en fait, la semaine prochaine, on poursuivra notre exploration du Festival de la BD francophone de Québec à travers trois événements de son volet spectacle. Donc, on recevra les artistes du cirque dessiné, la conférence dessinée et du concert dessiné. On sera dans le dessin en direct agréablement. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine et passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.